Lecture d'un article de Jade Lingard qui est paru le 10 mai 2018 sur le site de Mediapart, mediapart.fr, et qui s'intitule « Sur la ZAD, ouvrez les guillemets, on ne peut pas vendre notre âme pour faire plaisir au gouvernement. » Fermez les guillemets. À quelques jours d'un comité de pilotage décisif pour l'avenir de la ZAD, ses habitants et habitantes vivent un impitoyable dilemme. Accepter de composer avec les règles de l'État ou se confronter à la puissance publique. Reportage de notre envoyé spécial sur la ZAD. C'est l'histoire d'une métaphore balancée par un habitant de la ZAD. Elle part d'une parabole universelle. Le mythe d'Œdipe. Tu fais tout pour t'éloigner de la réalisation de l'atroce oracle qui te prédit que tu tueras ton père et que tu coucheras avec ta mère, mais le destin est le plus fort et l'horreur se produit. Quel rapport avec Notre-Dame-des-Landes? Tu es anarchiste, tu choisis la liberté et l'autogestion. Et tu te retrouves dans le cauchemar de la bureaucratie. La parcelle BZ47, tu la déclares en UTH ou en UTA? Avec ou sans DJA? Les superficies, on les déclare en hectares ou au mètre carré? Tu deviens fou. Unité de temps humain. Unité de travail annuel. Dotation jeune agriculteur. Une danse martiale d'acronymes froids occupe les esprits de dizaines de zadistes depuis l'ouverture du processus de régularisation par l'État. Lundi 14 mai, le comité de pilotage réunissant préfectures, chambres d'agriculture, syndicats agricoles, élus et associations, en présence du ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, pourrait annoncer la signature prochaine des premières conventions d'occupation précaire avec des zadistes. Mais dès le lendemain, des expulsions et destructions de cabanes pourraient reprendre. C'est ce qu'a annoncé le chef du gouvernement, Édouard Philippe, fin avril. Citation : Ceux qui ont choisi de ne pas s'y insérer dans le processus de régularisation devront avoir quitté les lieux. Sur la ZAD, en partie détruite par l'opération militaire lancée le 9 avril, où les blessés par les gendarmes se comptent par centaines, cette échéance effraie et intrigue. Que va-t-il se passer dans les semaines et mois à venir? L'État va-t-il laisser les habitants et habitantes poursuivre leur vie hors normes ou va-t-il les faire ployer sous la pression des gendarmes et des contraintes administratives? Face à ces incertitudes, les zadistes sont divisés par des sentiments, analyses, désirs et stratégies divergentes. Chacun, chacune se demande comment poursuivre l'histoire commune dans le bocage, par l'acceptation formelle de règles à subvertir ou par la confrontation directe avec la puissance publique. Dans la nuit du 1er mai, jour de fête de Beltane, quelques personnes célèbrent l'arrivée du printemps autour d'un mât de la fertilité surmonté d'une couronne d'aubépine. On jette des pelletées de braise dans un rituel improvisé de l'optimisme. Les vœux restent secrets. Les pommes de terre enrobées de papier aluminium attendent d'être brisées. Parmi les participants et participantes, presque tous et toutes ont déposé un projet en préfecture, agricole ou artisanal. Toutes et tous veulent rester sur la zone. Remplir les fiches de la préfecture les a obligés à se projeter sur plusieurs années d'activité. Une question que certains et certaines ne s'étaient jamais posée. D'où la part de jeu, de prédiction fictive dans certaines déclarations. Une manière de préserver une part de liberté tout en donnant le change à l'État alors que le rapport de force est si déséquilibré. Un peu plus tôt dans la journée, le soleil tombait dru sur la route D81, partiellement barrée par une barricade et par une équipe de veilleurs jumelles autour du cou. Au beau milieu du bitume, un homme prenait son bain. Une scène hilarante et inquiétante. plus les zadistes occuperont les routes de la ZAD, plus les gendarmes reviendront. Depuis la trêve des expulsions le 13 avril, les militaires n'ont jamais quitté la zone. Ils contrôlent les identités, arrêtent celles et ceux qui refusent de s'identifier, s'approchent de lieux de vie et menacent d'expulsion certains et certaines habitants et habitantes. À la base, l'idée de remplir les fiches de la préfecture, c'était pour créer des barricades de papier, explique une personne du groupe en charge des précieux documents. Et puis, tout le monde s'est pris au jeu. La DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer, qui nous reçoit et qui nous donne des conseils, et les habitants et habitantes ici qui se sont mis à croire à leur projet. Du côté de la ZAD, aucun effort n'est négligé pour recréer du collectif dans le cadre individuel imposé par l'État. Rendre les dossiers en tirage papier sans numérotation et agrafés ensemble. Se rendre aux convocations en préfecture par groupe correspondant à des îlots géographiques et thématiques. À l'extérieur, des camarades attendent sous des t-shirts « ZAD, on la joue collectif ». Nommer des parrains agricoles. S'engager à ne signer aucune convention d'occupation précaire, les COP, individuelle, sans les autres. D'écrire des projets structurellement interdépendants. Ainsi, Lucas, le brasseur, a besoin du forgeron pour réparer ses cuves, qui lui-même a besoin des artisans regroupés au sein de l'association partisane pour partager des outils, mais aussi du sérigraphiste pour fabriquer ses étiquettes, d'éleveur pour réutiliser ses déchets de brasserie, et du groupe de gestion forestière pour entretenir les haies de ses parcelles. Eux, ils veulent des parcelles et des noms, explique le membre du groupe Fish. Nous, on leur répond que les parcelles sont partagées et qu'on veut un fonctionnement commun des terres agricoles. On ne peut pas vendre notre âme juste pour faire plaisir au gouvernement. L'argumentaire a si bien fonctionné que lors d'une récente réunion, un fonctionnaire du ministère a lâché que le plus simple serait de leur signer une convention collective, selon un participant. Soit exactement ce que les zadistes réclament et que le gouvernement leur refuse. En 15 jours, 39 fiches, couvrant quasiment tous les lieux de vie, ont été déposées. L'État va hyper vite et veut des projets hyper sérieux, et en plus il faut qu'on y croit alors qu'on n'a aucune garantie en retour, résume-t-il. Élevage de vaches, de moutons, d'escargots, fabrication de galettes, culture de céréales, boulangerie, bibliothèque, partage de semences, au moins 18 projets pourraient faire l'objet d'une convention d'occupation précaire, assignée pour un an. Un contrat éphémère qui laisse ouverte la question du devenir de la zone et de ses occupants et occupantes. Mais d'autres habitants et habitantes se désespère de la logique des fifiches. Encore plein de gens pensent que c'est une mauvaise idée, explique Anaël. Que la négociation avec l'État est une mauvaise idée. Que cette stratégie des fifiches nous divise. Elle offre une sorte de porte de sortie vers la légalisation, alors que ce n'est pas du tout notre mode de vie. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. On ne veut pas que l'État gère nos vies à notre place. Si ces fiches sont acceptées, ça changera complètement nos vies. En AG, on ne parle plus que des fiches et de comment les remplir, de comment on va parler à la préfecture, alors qu'à la base, on est en guerre. On va se faire expulser. On nous menace. On a des blessés. Mettre les pieds dans les normes et la légalisation. Pour la plupart des gens qui vivaient à l'est de la zone, là où se trouvaient les cabanes détruites par les gendarmes, c'est inacceptable. On ne va pas m'obliger à acheter de la bouffe pas périmée. Ça fait 4 ans que je suis ici, et j'ai appris tellement de trucs. À avoir un équilibre un peu plus sain dans ma vie, à plus m'écouter, à jouer du violon, à plus m'affirmer, à organiser une révolution. Pour Alice, il faut obtenir une COP collective. Il faut faire plier l'État par rapport à ça. Les contrats individuels ne sont pas justifiés. Si ce n'est pas collectif, ça ne nous va pas. On n'a rien à perdre. Il faut arrêter de lâcher du lest. Ici, c'est un espoir de ouf pour plein de gens. On a trop de soutien, on ne peut pas lâcher, sinon la lutte n'existera plus. On sera toujours soumis à des normes. Sur la zone, l'inquiétude est d'autant plus grande que les cabanes construites en plein champ ou dans la forêt, là où aucun bâti n'existait, pourraient ne pas rester. Une partie d'entre elles sont pourtant liées à des projets agricoles qui ont bien été déposés. Sollicité par Mediapart, ni le ministère de la Transition écologique ni la préfecture de Loire-Atlantique n'ont répondu à nos questions. Benji, qui a co-construit la baraka, une magnifique cabane bâtie autour d'un arbre, et qui se propose d'en faire le local technique et d'organisation pour les groupes Vergers et Moutons, s'explique. Pouvoir se construire un lieu de vie digne, en concertation avec les gens qui habitaient déjà à côté, ça change tout. Ça te donne accès à un niveau de vie que tu n'aurais jamais obtenu sinon, quand tu es un travailleur pauvre. Cette cabane, on l'a construite sur pilotis pour qu'elle n'empiète pas sur les terres agricoles, avec des matériaux de récupération à moindre coût. Quand tu vis dans les clous, que tu souffres d'être écrasé par cette machine afrique qui crée le chômage et la souffrance. D'un coup, apprendre à construire sa maison, c'est chargé, effectivement. Ma révolte, ce n'est pas de monter sur des barricades. C'est d'améliorer mon quotidien et celui de ma famille. Qu'ils arrêtent de se faire écraser par le système. Cette histoire sensible, elle ne rentre pas dans les fiches de la préfecture. Autre lieu, la Riotière, en bordure du chemin de Suez. Quatre personnes y élèvent des brebis, cultivent des légumes et s'occupent de ruches. Les terres appartenaient à la ferme de Bellevue, prise par les paysans et paysannes du mouvement d'occupation en 2013. Pour Vincent, dès qu'on fait un pas, on se prend une baffe. C'est difficile d'avoir confiance dans le processus de régularisation et, en même temps, on n'a pas le choix. Si tous les projets sont acceptés, la moitié des gens seront coincés ici avec des projets qui représentent plus que ce qu'ils espéraient. Pour lui, la culture commune des terres de la ZAD est essentielle. Il y a aussi la Hulotte, une cabane collective construite à l'orée de la forêt de Roanne. Ces usagers et usagères ont déposé un projet de maraîchage, avec des chevaux de trait et de débardage. Il prévoit jusqu'à 10 hectares d'activité, en lien avec le brasseur qui cultive son orge, la ferme du Limabou, le chantier école de menuiserie qu'ils vont alimenter en légumes, le galetier dont ils partageront le moulin. Ces régularisations, c'est un processus de long terme, explique Véro. Je m'engage comme je n'ai jamais pris d'engagement dans ma vie. Et j'ai envie de rester parce que c'est beau ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a appris, c'est riche, c'est vivant. J'ai appris à manier un tracteur, à faire du fromage, à faire de la mécanique. Tout ça m'aurait pris 10 ans dans le vrai monde. Ici, tout le monde apprend à tout le monde. Pourtant, des ouvertures existent. Jean-Paul Nau, le maire de Notre-Dame-des-Landes, a été élu en 2008, l'année de la déclaration d'utilité publique de l'aéroport. Il ne s'est quasiment jamais rendu sur ZAD. Et il n'a pas souhaité jusqu'ici rencontrer les zadistes, qu'il voit comme des personnes contre la société en général. Il dit que ses administrés ne comprennent plus leur présence, trouvent la ZAD sale et veulent retrouver le libre usage de leur route. Mais il ajoute: tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste que les habitants et habitantes ne s'installent pas sur la zone humide. Il n'est pas favorable à une évacuation totale de toute la zone. C'est au début qu'il fallait s'en occuper. Maintenant, ça fait 10 ans qu'ils sont là, il faut faire avec. Avec les communes alentour, il prépare un plan local d'urbanisation intercommunale. Les cabanes construites sur des anciens hameaux, des lieux déjà bâtis, vont rester. Les autres non, pour protéger la biodiversité de la zone, dit-il. Mais il ne se voit pas en exiger la destruction. Peut-être peut-on les déplacer. Ce sont des habitats légers, après tout. Fin de citation. Le processus de régularisation crée de multiples points de pression sur les habitants et habitantes de la ZAD. Il ne s'agit pas seulement de remplir les fiches et de signer éventuellement des COP. Il faudra ensuite obtenir une autorisation d'exploiter, passer devant une commission départementale d'attribution, éventuellement entrer en concurrence avec d'autres repreneurs. Une machine à broyer, s'inquiète Marcel Thébault, agriculteur historique sur la zone avec son épouse Sylvie. Il déplore que l'État impose un schéma trop lourd pour des projets parfois pensés à très petite échelle, avec moins de 10 hectares. Les zadistes ont donné leur nom, comme on leur a demandé. Et maintenant, avancent sans garantie de pouvoir rester, et toujours avec la peur d'une nouvelle évacuation. 3 semaines après le début de l'opération militaire d'expulsion, les Thébault se disent au bord de l'épuisement. Si des évacuations et démolitions reprennent, on va rester 15 jours cloîtrés, prévoit-il. C'est une lourde charge mentale, une situation comme ça, et entendre sans cesse des tirs de grenades, ça agace. Il s'inquiète aussi des divisions au sein du mouvement d'opposition à l'aéroport. Un écart se creuse entre des figures historiques comme le paysan Julien Durand ou l'ancienne maire de Bouguenais, Françoise Verchères, et les habitants et habitantes de la ZAD. À quelques kilomètres de là, l'habitant d'une cabane de la ZAD s'inquiète. Ils veulent nous faire déserter. On nous ampute du territoire qu'on a défendu. Les jardins sont remplis de gaz lacrymogènes. L'administration, c'est le champ de bataille de l'État. Si tu veux être sûr de perdre un jeu, joue avec celui qui a inventé les règles. Voilà, c'était donc la lecture du reportage de Jade Lingard. Elle la note plus bas. J'ai fait ce reportage sur la ZAD du 1er au 4 mai dernier. Certains prénoms ont été modifiés. C'est donc à retrouver sur le site mediapart.fr.